heures et me prépare un petit déj. J'attends l'étincelle qui donnera vie à mes 26. Et souvent versé dans le pathos, notre assos renvoie une image, ni Barbos, ni Cassos. Mais t'inquiète, tout roule pour moi, même si je suis la cinquième roue du carrosse. Mais blandé, faute de raccord, alors je fume la vie, ou du moins je la crapote. À chacun sa carotte, moi c'est rappé, donc là je bosse la prod et la prose. Je maquille ce que j'ai du mal à dire par des métaphores. Paraît qu'il y a trop de gens maladifs, protège tes rapports, car souvent ça capote. Paraît que l'argent divise, c'est scientifique, donc j'anticipe, me content des minima sociaux et des riens que je collecte. Et si je garde cette terre d'ado, c'est que j'ai les mêmes fringues qu'au collège. Je me cale dans le canapé, mes Wu-Tang au Coltrane, cherchant mes mélopées, bien loin du cortège. Ouais, tu sais, moi c'est un peu la même, je me motive à peine et j'oscille allègrement entre la scène et la flemme. Je traîne dans l'appartement, sors dans la plaine pour gagner ma part de Jean Art. Je rentre tard, mais ne m'endors pas, car lorsque j'arrive à l'appart, y'a la smala à long, t'es dans le canapé, je me pose, raconte ma life, que je travaille pour des gros bâtards et on se marre. Après on rappe avec mon pote Milka qui prend pour Risa et pond des prods bizarres. Écoute ça. Au début j'étais pas très portant pour cet instru, ok, pour un truc abstrait, pas sérieux, pas déprimant, bref un truc qui changerait, on l'a fait. Là c'est bientôt la fin, on a cherché un refrain bien sympa qui passe bien, mais c'est déjà tellement bonne ambiance qu'il en a pas besoin. Comment ça il n'a pas besoin? Bah ouais je sais pas, c'est cool. Mais attends, là tu veux arrêter le morceau comme ça? Bah ça marche bien, ouais. Mais y'a trop pas moyen, mec. Tu veux faire quoi d'autre? J'ai prévu une deuxième partie. Bah vas-y, de toute façon tu sais jamais t'arrêter toi. Ça depuis le début, vous ne m'arrêtez plus. Je viens pour marquer des buts et faire gratuite. Parce que dans le quartier des putes, y'a pas me casser les pions, me passer les bracelets, m'appeler les juges. À moins que d'année les justes fassent craquer les flûtes. Car moi, ça fait des lustres que je suis lassé des luttes, assez déçu. Je viens pour agiter le drapeau blanc, marquons ce tape autant avec cet air arrogant. Ça passe du vert à l'orange, mais on jouera les surpris quand on se fera aigri. Comme les pires abrutis, abasourdis, ça va sourire, nourrir la merde la plus pourrie. On apprend la foutre en sourdis. Quiché comme des sardines, toujours dans le but de poursuivre ce foutu spectacle que l'on voit depuis les coulisses. Et courir pour des copinettes sans façon. Ce soir comme d'hab, c'est florilège, spaghetti et coquillettes sans lardons. Je rapplique aussi sec, enfin bon, j'ai pas trop d'idées. Ça craint, dis donc. Ça va, t'inquiète, j'ai pas encore dit mes derniers mots. T'as dit qu'est très étrange, elle risque d'irriter les gens. J'arrive aisément, manie les éléments. Ça rime et c'est dément, qualité excellente. Mais là, tu fatigues et c'est gênant, car j'en ai encore en stock. Je veux pas de victoire ni d'or en bloc. Si quelques euros en poche me suffisent, franchement, tant mieux. Je m'écarte des rappeurs en vogue, subissant tant d'enjeux écartelés par leur mentor. Je m'endors sur mes deux oreilles, aspire à continuer ainsi déçu par les vieux modèles qui ont su renier leurs principes. J'insiste pas, mais parler pour ne rien dire simplifier ma pensée à l'extrême. J'espère jamais le faire et même passer assez près, ça m'énerve, vrai. Je kiffe étrange, quitte à rendre ma zik étanche. J'ai vite été planché, enchaîné vite et tenté de faire vibrer le plancher. Ah.